En exclu dans toute la France, tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Tunisiano. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le Planète Rap avec Tunisiano, comment va? Comment tu vas, gros? Bah écoute, en pleine forme. Bah alors, puis hier, je vois que t'es tout beau. Tu es là? Rasé de près ou presque? C'est rasé? De presque. Hein? Presque, une partie avant que le rasoir lâche. Et pourquoi t'as pas rasé la boule aussi? Bah ça va pas tarder. En fait, c'est par étapes, moi, tu sais, chaque fois ça me fait du mal de perdre une partie de moi. Ah, ça te fait bizarre? Tu te reconnais plus? Je me reconnais plus. Moi aussi, quand je change de coupe, j'ai l'impression que je change de tête. Voilà, donc tu vas progressivement. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez marrant. Tu sais quoi, je bloquais là-dessus aujourd'hui. J'étais en train de mater en bas de la radio. Ouais. Tu te souviens, il y a la grande tournée de Sniper. Enfin, il y a encore l'affiche de la tournée de Sniper. On avait des têtes de prépubères. Il y a très longtemps. Et je te revoyais avec plaisir en photo. Et je me dis, c'est vrai. Ben, c'est vrai, on a changé. On change. On change, on évolue, mais écoute, en bien. C'est vrai, c'est vrai. Bon, tout se passe bien pour toi aujourd'hui? Bah écoute, ouais, super, hein, la semaine continue, l'album il est là, il est toujours disponible, donc n'hésitez pas à vous le procurer, il est disponible aussi en digital, donc voilà, on a que des bons retours pour le moment, je suis très très content. Il s'appelle Marqué à vie cet album. Il s'appelle Marqué à vie, il est dans les bacs, donc voilà l'ami, moi je suis très content. Et les messages, c'est avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Exactement. Ceux qui ont encore des SMS, c'est au 41759, je vais faire le petit débriefing d'hier, hier soir dans l'émission, oui. On a eu le droit au son évidemment Marqué à vie, on a débuté avec le son Val de Zouave avec Lino. C'est ça. On avait mis le son et vous avez fait le freestyle d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut réécouter un petit bout de ce freestyle hier soir avec Tunisiano et Lino? Allez, viens, frérot, je te mets bien. Depuis l'enfant, je crée des cartes, choquer la France. 95 nectar. Ces chiens sont tricards ou minables. Yeah. Toutes leurs conneries m'indiffèrent, inimitables. Même où il a expérié rien y faire. Aïe, yeah. Le cercueil fait de la déco. Ça vient de Villiers-le-Bel, toutes les villes à déco. Oh, une soirée mondaine, je traîne dans des tripots. Gros, qu'ils me craignent, qu'ils me saignent, et m'appellent amigo. Vol de soir, soir, soir, soir, soir, soir, soir. Et vol de soir, soir, soir, soir, soir, soir. Et vol de soir, soir, soir, soir, soir. Voilà, live hier soir, gros live hein, avec Lino, avec un Lino très en forme. Hein. Gros live, ben écoute, fidèle à lui-même, hein, il est toujours là. Toujours là, il sortira d'ailleurs, il nous l'a dit, un album en septembre, c'est ce qu'on a appris aussi dans l'émission. On a passé le son État Sauvage, le morceau Mariage Forcé, ouais, qui a été un des morceaux les plus demandés. C'est vrai, c'est vrai. Sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de Skyrock. Et aujourd'hui, t'as posé la question d'ailleurs? Bah, bien sûr qu'on a posé la question, on aura la réponse tout à l'heure. Ok, magnifique. Ou je l'ai là, mais en même temps, on peut attendre. Ouais, non, vas-y, on attend. On garde encore. Bah, allez faire un tour d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous nous dites les morceaux préférés de Marqué à vie. Et puis voilà, puis on a eu aussi Robs de Bordeaux qu'on salue, hein, qui nous a fait un freestyle de Kabyle, ouais, et de Kabyle. Voilà, de la Kabyle, mais c'est un Kabyle. Azul. Un Kabyle. À tout le monde. Voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, dédicace à tous mes Bilkus qui m'écoutent, forcément. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je suis revenu encore pour vous faire découvrir l'album. Oui, que va-t-il se passer ce soir? C'est toujours la même chose, gros. Ça veut dire qu'on est là. Soir, on a prévu un petit freestyle. Je vais vous faire découvrir des amis à moi. Un artiste aussi qui est en train d'arriver, qui s'appelle VALD. Qui est à côté de toi, j'ai reconnu. Voilà, il est déjà passé d'ailleurs dans un Planète Rap. Ouais, c'est vrai. Donc je vais vous faire découvrir spécialement ce soir aussi. On va balancer un titre de son projet qui est en train d'arriver et qu'on est en train de préparer. Et puis avant toute chose, ne pas oublier la raison de notre venue, c'est l'album Marqué à vie, oui. Et un concert le 20 mars à la Boule Noire. Donc voilà, hein, on est toujours aussi et puis efficace. Et puis j'ai ramené des potes à moi aussi, des mecs de Bajot. Donc voilà, sur ce on va se mettre bien, on va freestyler. Ça va les gars? Ça va les gars ou quoi? Ouais. Je sais pas mon frère, vous êtes un million, ça va ou quoi les gars? Ouais. Voilà. Il faut que c'est comme le diesel quoi. Ça va trop vite d'un seul coup. Ça arrive. Bon, on débute avec quoi, Marqué à vie? Non. Non. Je veux que tu mettes changement de programme. Ouais, je veux que tu mettes JCVD. JCVD. Okay. D'ailleurs, pour le titre, je tiens à remercier Fianso qui m'a écrit le titre. Mmh. Ça veut dire que chose n'est pas coutume, il m'a proposé le titre, il me l'a ramené. C'est pas toi. C'est une première, c'est aussi pour toi. Ouais, c'est une première. Ça veut dire qu'il m'a ramené le titre, il m'a dit voilà gros, j'ai un truc à te proposer, il me l'a proposé, j'ai kiffé le titre. Et pourquoi il te l'a proposé? Pourquoi il te voyait bien? Je sais pas. Il a pensé à moi à ce moment-là. Il m'a dit je pense que ça peut te correspondre. Après bon, j'ai retouché quelques bricoles pour qu'il me corresponde encore plus. Et puis voilà, le titre vraiment un titre coup de cœur. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est toujours pareil. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. J'aimerais bien que vous lâchiez des coms concernant l'album. Ça veut dire savoir comment vous l'évaluez. Laissez-moi une note et puis on va voir. Mais pour le moment, en tout cas, c'est JCVD. Allez, JCVD pour débuter. On salue ton équipe de street marketing qui est en train de ravaler le studio avec le concert de Tunisie. T'as vu comme ils sont arrivés vite, efficaces. Attends, c'est ça ma gueule. T'as même pas eu le temps de voir qu'il y a quatre affiches qui ont été collées derrière toi. C'est trop rapide. Trop fort, trop rapide. Machine. Bravo les gars. Allez, on débute maintenant avec le son de Tunisiano, JCVD. Allez, fais péter le son, fais péter le son. Cet homme est censé représenter le clan Tanaka. Tu ne ressembles pas à un Tanaka. Shidoshi Tanaka est mon maître. Si Senzo Tanaka est son Shidoshi, alors qu'il nous montre le démat. Maître Tony, client indépendable. Comme Tony, t'es mal, je les envoie. Fort Shotoris, fort tout, t'es mon gars. Genre de bomba, 9-5 phénomène de bomba. Toujours un depuis bon, ça se vend pas. C'est la teuf, c'est la mort du gendarme. Genre de bomba. Rotative touchée, point. On va tous les brancher, 100 000 volts. Il est calibré, il va tirer. Bolt, Usain Bolt, Maître Tooney, coup de tricard. On se balade en Pussy, ou des tricards. Fais tourner la conce, fais chauffer le bricard. Bouteflika. Je voulais rapper, mais je voulais pas ça. Rap game français, cours de salsa. On va tirer sur les grands sauts et Garza. Joe et Zaza. Fais pas ton malin, d'où j'arrive, c'est la zone. T'attends ton tour, tu veux flamber, klaxon. On va faire danser, jeu de jambes et personne. Michael Jackson. Maître Tony, client indépendable. Comme Tony, tes balles, je les sens pas. Fuck Chuck Norris, fuck tous tes mandats. Genre de bandale. 9-5 phénomène de bandale. Toujours un depuis boss of scandale. C'est la teuf, c'est la mort du gendarme. Genre de bandale. J'étais déjà roro. Que va faire le pit face à un taureau? Ramène ta clique, même la mère à Rambo. Le mur c'est friche, tombo. Punchline, gaze, flow d'ordinateur. J'suis sur le podium, pour que les acteurs. Multi-platinum de rappeur. Tony Sniper. J'suis de la Minecraft, mais vous dosez. Ton père, mon père, c'est pas Rothschild. On prend le terrain, crapulax comme The Shield. Bang, bang, Marlon Stanley. Tout, game de mytho. T'écouteras plus jamais de rap si j'ouvre le rideau. Double ciseau, bye bye, kudo. White Widow. Maître Tony, client indépendable. Comme Tony, tes balles, je les sens pas. Fuck Chuck Norris, fuck tous tes mandats. Genre de bandard. 9-5 phénomène de bandard. Toujours Al, depuis boss, ça se vend pas. C'est la teufée, c'est la mort du gendarme. Eh ouais, toujours Al, ma gueule. Et l'album, c'est marqué à vie. Eh, ça, c'est du gros son pour son loto. JCVD. Eh, c'est mieux que Chuck Norris. Arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok, je suis un homme qui parle à un homme. Eh ouais, gros, je suis en pit. Après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait. Yeah, yeah. Maître Tony, qui est indépendant. Comme Tony, t'es pas, je les sens pas. Fort Chuck Norris, fort tous tes mandats. Genre de bandard. 9-5 phénomènes de bandard. Toujours un depuis boss, on se rend pas. Eh, laissez vos messages. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. On veut voir ce que vous pensez de l'album. On veut voir ce que vous pensez des titres qu'on est en train de vous balancer. L'album il est tout frais, il est tout jdid. On est en train de vous le faire découvrir. Yeah. JCVD à l'instant. Voilà, parce que tu vois, à un moment donné, c'est les particules. Tu vois, quand tu es ton corps se met. Je sens tout à fait ces particules. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Parce que je sens que t'es un jeune tigre. Non, mais c'est marrant que t'as accroché. Donc, le texte écrit par Sofiane. Exactement. JCVD, c'est un mec forcément qui t'a touché, Van Damme. Moi, j'ai grandi avec lui. Bah ouais. C'est-à-dire, moi, j'étais en mode boot sport, kickboxer, etc. Bon, aujourd'hui, je sais que les héros, ils ont changé. Il y en a, ils sont en mode Naruto, Chuck Norris. Moi, non. Moi, ma référence, c'est Jean-Claude Van Damme. Ah ouais. C'est lui la grande classe, gros. Il faisait le IMAC. Avec des films de dingue, quoi. Ouais, et puis le mec est un personnage aussi incroyable. Donc, petit clin d'œil à JCVD. Il y a eu un film d'ailleurs qui s'appelait JCVD que t'as vu aussi, peut-être. Non, je l'ai pas vu, malheureusement. Voilà. Je me suis arrêté à. Après, je voulais pas dégrader son image, tu vois. Je voulais garder une bonne image de lui, en fait. Et je me suis arrêté à Kickboxer. Ouais, Kickboxer. Voilà. Un des films cultes de Jean-Claude Van Damme. Exactement. Bon, et par rapport au son, ce qui est intéressant aussi, parce que ça aussi, c'est un exercice différent d'aller sur ces genres de sons, ces sonorités pour toi. Ouais, c'était vraiment un délire. Et franchement, je me suis rendu compte que je m'éclatais dessus. Je trouve ça ultra lourd. Je trouve ça me fait bouger la tête, ça m'ambiance. Et puis, pourquoi pas, quoi. Tu vois, c'est frais dans un album, c'est second degré. On qu'on est là et à un moment donné c'est faut pas oublier qu'on fait de la musique et c'est bien parfois un petit peu de s'aérer l'esprit. Et avec un petit clin d'œil justement au passé, le Boss of Scandal, déjà voilà. Là enfin, c'est ce que tu dis toujours, voilà. Toujours là. Boss of Scandal. On n'a pas lâché le terrain, on est toujours à l'exercice de style. Notamment. Ouais, c'est vrai. Le premier morceau que vous avez passé d'ailleurs sur Sky. C'était celui-ci. Voilà, c'était voilà, sûr. C'est à l'époque où la France nous découvrait. Voilà, avec les snipers et puis l'aventure continue. Tunisiano est dans les bacs depuis le début de semaine. Oh, exactement. Vous pouvez le télécharger légalement. Allez-y. Vous pouvez le télécharger. Laissez-nous vos messages. J'attends de voir ce que vous pensez du bon mal. Et puis voilà. Bon, présente-nous un petit peu qui est autour de toi, Tunisiano. Bon, on va commencer doucement. Ça veut dire que là, il y a VALD. Vald, on dit VALD ou on peut Vald, dire, comme on peut tu dire veux. Vald. Ouais, on dit les deux. On dit les deux. Ça va? Ça va bien. Écoute un peu. Okay. Donc, voilà, lui, il est incroyable, lui, c'est un vrai dingue, je crois, en fait. Ouais, mais il est fou. Je pense qu'il est fou. Là, tu le vois, là, il est un peu. Non, pas, là, il est calme pour l'instant, mais. Non, mais c'est un faux calme. J'ai vu des vidéos, il y a certains morceaux pareils. Ça y va fort? Péchu. Voilà, péchu, on va dire péchu, en effet. Tu vas voir quoi, Kik, comment c'est. Toi, tu l'as connu comme tu veux. Tu veux dire un petit mot d'ailleurs sur qui est VALD, qui est Vald? Bon, en fait, c'est un artiste qui est en train d'émerger, qui est en train d'arriver. Les gens, ils vont pas tarder à entendre parler de lui. Pour ceux qui le connaissent déjà, ben, je vous invite tous à aller cliquer sur ses clips, ses morceaux, différents freestyles qu'il a déjà balancés. Il y a un clip qui est pas passé inaperçu, qui s'appelle Autiste, qui a fait couler pas mal d'encre. Et puis là, il y a son projet qui est en train d'arriver. Il y a un nouveau clip aussi qui va arriver aussi dans la foulée. Et puis ce soir, j'ai envie de faire découvrir un titre de son projet aussi qui a été balancé. Et il est sur ton album aussi. Exactement, il est sur l'album sur le titre Carré. Carré. Pardon. Ouais, bon, Carré d'As, okay. Carré. Ouais. Pas de problème. Ouais, carré VIP. Carré. Carré. Ça va pour le CV Express ou t'as quelque chose à ajouter, Vald? Non, c'est bien résumé. Vas-y, hein. Parle, frérot. Dis-nous ce que tu sors là dans les jours, dans les mois qui viennent, les années à venir. On a un clip d'un morceau qui s'appelle PF. Qu'on va sortir, qu'on a tourné, on a été en Belgique, on est content, on avait une super maison délabrée. C'est un suspense. Sinon, ouais, on va clipper Shoot un ministre. Je pense que c'est le morceau qu'on va lâcher ce soir. Et vas-y, une QNT arrive bientôt. Je suis pressé. Je rassure tous les ministères, ne soyez pas, parce que là ils sont tendus tous en ce moment. Shooter, c'est l'appareil photo. Ah, bien sûr, c'est vos appareils. Voilà, c'est normal. Ils sont tous un peu tendus. D'ici, on a une brigade juste en bas. Calmez-vous. Tout va bien. L'amour. Vald a beaucoup d'amour. C'est vraiment l'amour qu'il a. C'est un mec, oui, je sais. Je connais le morceau, c'est pour ça que je te disais. Aliza Anne, c'est le genre de paille. Bon, donc, ouais, ça bosse dur. Ouais, ça bosse. Ouais, totalement. Puis nous, on a fini en fait depuis longtemps. En plus le P, c'est-à-dire on est déjà sur l'album et tout ça. Qui devrait arriver. Signé, pas signé, en indépendant. On l'a signé sur notre structure. D'accord. Mon label, ça veut dire Tefa et moi-même, on l'a signé. Puis voilà quoi, ça veut dire que là on travaille sur son projet ainsi que sur son album. Et puis je pense que c'est le futur du rap français. Très bien. Eh ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Ouais, merci. On t'écoutera en live tout à l'heure. En live et puis surtout il y a son titre que je veux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le mettre maintenant? On va attendre juste après. Tes morceaux. J'aimerais bien qu'on fasse découvrir le fameux titre par rapport au vote, non? C'est ça? Ah oui, bah oui, si tu veux, ouais. Ah oui, puisqu'on demande chaque jour quel est votre morceau préféré, vous qui avez acheté l'album de Tunisiano. Et alors attention, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux de Planète Rap, le morceau qui arrive en tête, c'est Elle Donne. Ok, bon vas-y, on va s'écouter ça alors. Tu veux dire un mot sur Elle Donne? Bien sûr, bon en fait, morceau... Avec un featuring d'ailleurs aussi. Ouais, c'est en featuring avec Clem, en fait, c'est un morceau qui parle de ma femme, de ma fille, comment on a vécu la chose. Moi en tant qu'homme, comment j'ai perçu la chose, c'était un peu déboussolé, je savais pas vraiment où je mettais les pieds et puis voilà, ça veut dire que je raconte toute cette chose qui est à mes yeux fantastique mais en gros je l'explique avec mes mots et en tout cas c'est vraiment l'un de mes morceaux préférés de l'album. Mais ça y est, là t'es bien, t'as tes marques, t'as tout là. Ah non, c'est bon, gros, je sais faire. T'es un rappeur daron quoi. Un daron rappeur. Ouais voilà, c'est ça. Ça dépend des heures, des jours. Ça dépend des horaires aussi. Ça dépend des horaires, ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on écoute ce morceau, Elle Donne. C'est parti. Tunisiano, c'est sur son album Marqué à vie qui est dans les bacs depuis lundi. Une surprise inattendue tombée du ciel. Un peu d'urine répandue, une bonne nouvelle. Un peu parti en brie, non, je n'y crois pas. Moi, père de famille, moi, futur papa. J'ai les yeux qui chantent, le cœur ravi. Elle a le bonheur dans le ventre, elle donne la vie. Oui, elle a un peu peur, elle aime causer. elle a ses humeurs, des petites nausées. Oui, je réalise l'ampleur, et sourit bêtement. Elle prend des rondeurs, ne rentre plus dans ses vêtements. Elle ne se trouve pas jolie, je lui dis qu'elle se trompe. Mon Angelina jolie, faut que tes doutes s'estompent. Et elle se prend la tête pour ceci ou cela. Elle a des petits soucis, des envies de chocolat. Dans le film de la vie, y a l'image et la bande son. Des battements de cœur viennent rythmer la chanson. Se faire à l'idée qu'on va devenir. Dédicace à Claire, ma petite femme, ma fille. Quoi yeah. Plus évident que de devenir papa, maman. Un miracle de Dieu, un petit bout de nous deux. Et elle donne la vie quand l'amour fait feu. Y'a un ange qui s'invite, le ventre qui danse, des larmes dans les yeux. Un bonheur immense, un miracle de Dieu, un petit bout de nous deux. Et elle donne la vie quand l'amour fait feu. Y'a un ange qui s'invite. Question éventuelle qui nous interpelle, serait si lourd, elle, comment on l'appelle? Es-tu une fille ou un garçon? Mettons-nous d'accord sur son prénom. Dans le royaume de la vie, une princesse va se donner la paix. Tu seras chérie, entourée par ton roi et ta reine. Et dans ton avis, tu seras ton propre équipage. Pas là pour que tu chavires, mais t'aider à prendre le large. Je passe des heures à m'imposer sur ton bidon, pensant à ces nuits blanches, à te donner le biberon. Ce petit jeu où on cherche à te décrire. Est-ce qu'elle aura tes yeux? Est-ce qu'elle aura ton sourire? Elle aura ta gentillesse, le courage de ma mère, ton drôle de caractère, la sagesse de ton père. Oui, elle est la femme que seul le ciel comprend. Mais Dieu, qu'elle est belle quand elle porte l'enfant. Se faire à l'idée qu'on va devenir papa, maman. Quoi de plus évident. L'album s'est marqué à vie. Il est disponible depuis lundi, la MIF. Yeah. Un miracle de Dieu, un petit bout de nous deux. Et elle donne la vie quand l'amour fait feu. Y'a un ange qui s'invite, le ventre qui danse, des larmes dans les yeux. Un bonheur immense, un miracle de Dieu. Un petit bout de nous deux, et elle donne la vie quand l'amour fait feu. Y'a un ange qui s'invite. Je sais, je suis pas facile à vivre. En pleine nuit avec mes envies, mes angoisses me mettent au défi. Je donne la vie. L'envie d'être une bonne mère, sentir ton cœur qui bat en moi. Si je ne sais pas y faire, un peu d'amour nous suffira. Elle a le ventre qui danse, des larmes dans les yeux. Un bonheur immense, un miracle de Dieu. Un petit bout de nous deux, et elle donne la vie quand l'amour fait feu. Y'a un ange qui s'invite, le ventre qui danse, des larmes dans les yeux. Un bonheur immense, un miracle de Dieu. Un petit bout de nous deux, et elle donne la vie quand l'amour fait feu. Y'a un ange qui s'invite. Merci pour vos messages, franchement ça m'a gros au cœur. L'album c'est marqué à vie, il est disponible la MIF. Yeah. Et je vous donne rendez-vous le 20 mars à la Boule Noire. Et les gars, à tous les darons, les darons, tous les futurs darons, ils savent ce que j'ai vécu. Yeah. Tunisiano et ce morceau, donc elle donne, qui a été choisi, hein. Beaucoup de gens l'ont demandé. Bah écoute, ça me fait plaisir, hein, ça veut dire l'album. Que les gens, ils ont du goût. Marqué à vie, l'album de Tunisiano, et on retrouve ce morceau. Elle donne, t'as pas fait poser encore ton enfant dessus? Tu bah, l'as pas fait à la Jay-Z? Ouais. Non, elle fait des petits sons. Peut-être. Pour le moment, c'est compliqué. En même temps, la petite de Jay-Z, c'était pareil, hein. C'est pas grand chose de plus. Ah, je suis pas Jay-Z, moi, je suis Fiftyzien. Elle s'appelle peut-être pas non plus Blue Ivy. Non, elle s'appelle Kera. Kera. C'est-à-dire, c'est le Khir. Voilà. Ah, il y a un écho dans le fond. Ah, ils connaissent. Un écho. Tunisiano avec nous entre 20 et 21. Donc, on présentait à l'instant Vlad qui est là avec nous. Ouais. Val, V-A-L-D. Ouais. À retenir. Et qui d'autre va venir en freestyle dans quelques minutes? Et après j'ai mes potos, hein, ça veut dire là j'ai l'équipe, des rappeurs de Bajo, ça veut dire il y a quoi? Il y a Grosso, il y a Khaldo, il y a Gorel MC, ça veut dire c'est des amis à moi qui vont venir freestyler aussi ce soir avec nous. Donc ils font pas de bruit, ils sont dans l'ombre, mais en tout cas quand il s'agit de rapper, ils sont opérationnels. Ils sont présents et ils sont peut-être présents aussi avec toi le j'allais dire la date, mais non, faut pas. puisque la question pose dessus, il me semble. Ouais, bah, y a pas de problème. On peut poser. C'est toi qui poses la question pour repartir avec le cadeau. Exactement, comme chaque parce qu'on n'oublie pas, qu'on fait gagner des chichets électroniques toute la semaine. C'est de la marque Ookie. Donc, j'avais dit. En fait, je balance une question tous les soirs. Et par contre, vous me répondez le plus rapidement possible. Et puis voilà. Oh, dédicace à Paco qui lâche des messages. Eh, gros. Dédicace au chaud, Mousse. Ouais, on est là. Donc, Mousse, Paco de Bagnolet, c'est ça les messages qui arrivent. Ouais, c'est ça. Là, non, c'est un pote à nous qui nous écoute. Donc, grosse dédicace à lui. Et pour revenir sur ce que je te disais. Sur la question. Et le cadeau. C'est-à-dire, lâchez bien le hashtag avec Tunisiano sur Skyrock. Ouais, pour filer la bonne réponse. Valider la réponse. Donc. Alors la question du jour. Je te laisse la poser, gros. Ok, si tu veux. Vas-y. Quelle sera la date et le lieu du prochain concert de Tunisiano? Exactement. Donc voilà. Bon. À vos messages, à vos claviers, peu importe, mais n'oubliez pas le hashtag Tunisiano sur Skyrock, c'est essentiel. Le lieu, c'est l'endroit, c'est pas la ville. La ville, on va vous le donner. Ouais, c'est non, Paris. Non, l'endroit, c'est forcément. Paris. Voilà. C'est Paris. Mais lundi, on est à Paname. Voilà, c'est Paname. Il nous faut la date et le lieu. Ok. À retenir, c'est bientôt. Franchement, c'est pas dur. C'est le deuxième indice, c'est bientôt. C'est très bientôt. Très bientôt même. Très bientôt. Stop, on va s'arrêter là. Voilà. Et pour valider la réponse, bien évidemment, on a dit qu'il faut le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Exactement. Okay. Allez-y, vous balancez tout ça. 41759 ou alors évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on va passer comme morceau Tunisiano? Bah écoute, le prochain morceau qu'on va. Il y a Vald qu'on va passer. Ouais, j'ai envie de pas. Dis, à toi de me dire si on a le temps de. Est-ce que j'ai le temps de balancer un autre titre de l'album ou du. Ouais. On a le temps? Ouais, tu sais qu'on va faire l'inverse en fait. On va passer le morceau de Vald. Ok, après on verra. Si on a après le temps, voilà. Bah, c'est parti. Bah, alors le morceau à Vald, bon je te laisse le présenter gros, c'est Shoot en ministre. Et bah après la pub. Ah d'accord, c'est bon, teasing, tu fais des surprises. Ouais, c'est d'accord. Teasing. Dans un instant. Vas-y, lâchez vos messages en tout cas. Dans un instant, on va découvrir le morceau de Vald et Vald qui est là avec nous entre 20 et 21, qui est l'invité de Tunisiano. Bougez pas, c'est après ça. Juste après ça. Comme toi, Tunisiano a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Tunisiano et l'album Marc Avi qui est sorti lundi dans les bacs. Exactement, donc allez vous le procurer, l'album est plus que lourd, la vérité. Mmh. Et je me suis pas vraiment foutu de vos gueules, hein, la vérité. C'est vrai. Du très très sale. 17 morceaux. 17 morceaux. 17 plus 18. 1 en rap, ça veut dire voilà. Ma gueule. Allez-y pour 18 morceaux. C'est l'album Marc Avi, l'album de Tunisiano. On va écouter, on aura le temps d'écouter un extrait dans un instant. Juste avant, mais le morceau de VALD. Le morceau de VALD. Donc sortez vos portables, préparez-vous à prendre plein de photos. Voilà, c'est parce que voilà, évidemment en rapport avec les. Totalement, surtout quand ils passent en scooter avec des casques, tu vois. Shooter tout ça, tu vois. Allez-y, prenez en photo. Et le morceau, donc on peut le trouver où celui-ci? Nulle part, sur internet. Bah, il va arriver sur son projet, mais pour le moment, vous pouvez le découvrir sur sa page YouTube aussi. Donc voilà. D'ailleurs c'est quels sont tes bails gros où on peut te retrouver sur Facebook? C'est VALD, c'est plutôt simple en fait. Et sur Twitter, je crois que c'est VALD-LD. Et sur YouTube? Voilà. Sur YouTube, c'est VALD. Tu as pas un site internet par hasard? Non, en fait, parce que j'ai... Merci, on écoute. Mais ça va arriver avec VALD. Allez, on balance le morceau maintenant. Voilà. On balance la sauce, mon sauce. Ouais, y a du monde ou pas là, ce morceau? Si, je suis un muniste, ma gueule. Ouais, c'est pour tous les mecs au bord du gouffre, écrasés dans l'engrenage, frère. Hey. Je sais que ça fait longtemps que tu penses à tuer des gens, que tu penses à brûler le banc, qui t'a rendu si méfiant, quitte à te faire des innocents. Histoire de passer le temps, je comprends que t'es la rage quand les rappeurs font que se masser le gland. Grande pustule, sens-tu que je tue. T'as du mal à t'imaginer serein dans le futur. Bande sur des tranches plus turques, mais tu rentres plus thune. Déserte le campus, tu crois pas vraiment qu'un diplôme va rattraper ta vie de môme. Effacer le sang sur le mur, toutes les patates que t'as pris et tous tes points de suture. Quand t'as compris que le monde est à toi, tant que tu suces. C'est VALD ça, gros. T'as aucun projet, t'es résolu d'avoir des résolutions l'année prochaine. Tu te reconnais dans rien, t'es seul devant leur certitude. De fils de perfitude, ça donne l'air têtu, mais t'en as rien à foutre. La vérité. C'est ça, aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions démentes, tes buissons géants camouflent plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, relance shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, relance shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, les foules pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, les foules pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, relance shoot un ministre. Vas-y fais la gueule, check ta mal petit. Vas-y fais la gueule, jamais à l'heure. Mais c'est logique quand t'en as rien à branler. Tu vois ta vie comme un violeur dont les mains s'avancent. Tu vois qu'une chose à faire c'est fuir espérant qu'elle s'essouffle. Mais t'encaisses les coups enchaînés, tu cries baisse les tous. C'est ton refrain préféré pendant ta prise de drogue ivre mort. Mec ce fils de porc piège des foules. Mais je vais pas te faire la guerre, t'es pas le premier mec amer qui lâche l'affaire pour pas se mettre une balle dans la tête. Arrête t'es rassasié, t'aimerais bien qu'on t'aide mais t'as plus de raison, faudrait que tu lèches tes cavus. C'est trop. Dans les abysses tu baisses les yeux pour pas voir tes parents. Tu vois que la peur dans leur regard sur leur fils défaillant. L'enfant de passe entre passant qu'attendent le coup de grâce. Trou de balle à sans compte leur carence avec des shoes Nike. Et t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions. Démonte tes buissons géants, camoufle plus ta répulsion des gens. C'est shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frérot, oh, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frérot, oh, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, des foules pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, des foules pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot, shoot un ministre, shoot. Si tu veux quelqu'un, prenons shoot un ministre. La télé te représente pas, non. Eux non plus sans pas, t'es dans ce bal. Comme un pourcentage qui danse la samba. Les 100 pas, pourquoi les faire. Y'a déjà tes semblables qui s'emballent devant l'Eden. Mais bon, qui rentre pas, les grandes tasses, c'est par ici. Même les Paris Hilton, guise en parésie. Tu fais du grave ici, moi ouais, tu perds la tête. Dès que ça paye, ça fait, y'a que ta sœur qu'en vaille la peine. Mais ça serait de l'inceste. Grande pustule. Sans tu que tu hein. T'as pas l'argent et t'es pas tant fut. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des mentes, tes buissons géants camoufle plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, prenons shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, prenons shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, des foules pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, des foules pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, prenons shoot un ministre. Oui. Pour tous les mecs qui en peuvent plus les faire. Arrêtez de tuer des innocents, putain. C'est VALD, son projet il arrive. Il y a un clip qui va arriver d'ici très peu de temps. Le clip c'est PF. Mais pour le moment on vous laisse savourer, je suis un ministre. Donc voilà, c'était l'occasion de le faire découvrir. Son projet il arrive très très lourd. Voilà le projet de VALD à l'instant sur Skyrock. Et donc ce morceau, ça t'a régalé? Ça m'a régalé, mais en même temps je précise que évidemment je suis contre toute forme de violence. C'est pas que... de la violence gros, c'est que de l'amour. Une sorte de photo. Et que évidemment il c'est est bon de rappeler il est bon de rappeler que c'est évidemment ce shoot un jeu de mots avec l'appareil photo. Totalement. Et rien d'autre. Voilà, exactement. N'est-ce pas Avald? Rappelle-le gros. Et rien d'autre. Voilà, tu as bien fait de mettre tes lunettes de soleil, le flash à aveugle. Bon, c'est sur Skyrock, le Planète Rap consacré à Tunisiano. En concert, on peut donner la réponse, puisqu'il y a eu des centaines de bonnes réponses, notamment celle d'Hugo de Rouen, qui repart donc avec le cadeau du soir. C'est Hugo qui a gagné? C'est Hugo qui a gagné, Hugo bravo, de Rouen. Bravo Hugo. Et la question était, quelle est la date du prochain et le lieu du prochain concert de Tunisiano? C'est donc le... Le 20 mars. À la boule noire. Donc ça approche le 20 mars en concert Tunisiano. Lourd. À pas louper. Pas louper, surtout pas. Je te présente maintenant Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, ça va Frédérico? J'étais inquiet. Oh Frédérico. Il a sorti le blazer. C'est un époque sniper. Kéfir. Yes. J'étais un peu inquiet, j'avais pas de tes nouvelles depuis un bon petit moment. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ah donc c'est vrai, c'est vraiment un intime alors. Ça Mais Kéfir, tu connais pas Kéfir? Non, je connais pas. Mais il te connaît aussi très bien. Ça va Kéfir? Ouais, ça va. Pas vrai Kéfir que tu connais très bien Tunisiano? Oui, oui, je connais bien Tunisiano. Par exemple. D'ailleurs, j'étais dans un groupe à l'époque et où le mec avait fait la première partie de M Group. Mm-hmm. Et il me disait, ouais, c'est de la tuerie, écoute leur intro de concert, c'était des petits serpents, des trucs comme ça. Rapide comme un serpent, c'était ça gros. Mm. Hey, mais ça veut dire on est de la même génération. Parce que si tu me parles de M Group, c'est vraiment, vraiment qu'on est de la même génération. Je suis un peu plus jeune parce que je connais quelqu'un qui te connaît, SK notamment. Ouais. Et voilà, que je connais bien, qui a posé sur mon album. Et d'ailleurs, t'es un peu plus vieux que moi quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Kéfir, il se rassure, ouais, t'es quand même un peu plus vieux que moi. T'es un peu plus vieux que moi, mais sinon, ouais, Tunisiano, il m'a vraiment traumatisé. Il m'a vraiment traumatisé parce qu'à l'époque, il y avait deux rappeurs que j'aimais bien qui parlaient dans leur langue natale. C'était Roca quand il rappait en espagnol, ouais, et Tunisiano quand il rappait justement en tunisien sur BOSS. C'était de la tuerie, juste de la tuerie. Moi, c'était pas du latinos, tu vois, ça sonnait pas de la même manière, mais bon, c'était plus hard, on va dire. Mais bon, ah, mais oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez rare. T'avais en effet, c'était ma particularité. Ouais. Je suis arrivé un petit peu, j'étais l'un des premiers à rapper en rebeu, donc c'était frais. Ah, c'était vraiment, vraiment frais. Bah, merci, gros, merci en tout cas. Ouais, ouais, mais on suit depuis longtemps, et puis après, voilà, il y a bien sûr Sniper, voilà. Mais t'as écouté l'album ou pas? Est-ce que t'as écouté Marc Avril? Alors, non, j'ai pas écouté. J'ai écouté deux titres. J'ai écouté le titre Paris, ouais. où j'ai regardé le clip. C'est classe, y a rien à dire. Ancienne. Vraiment, vraiment classe, Borsalino, etc. et j'ai écouté le son avec Lino, et d'ailleurs ça fait super plaisir de réentendre Lino, parce que je crois j'ai entendu, et il y a deux trucs qui sont sortis avec Lino là, en feat avec Lino. Exactement. Et justement la prod, c'est une tuerie. Je sais pas si c'est El Khalif qui a fait la prod encore. Je sais pas. Non, Val de Zouave, non, c'est Cory. C'est un pote à moi du 9-5 aussi, et il fait partie du Val de Zouave, et puis voilà, très très gros compositeur. D'ailleurs, il a fait pas mal de prods sur l'album. Mais je t'invite à l'écouter, il est dans les bacs depuis lundi, gros, donc pourquoi pas. Ah, mais je vais l'écouter, je pense qu'il y a des. Bah, j'ai le regard des gens, j'étais parti à l'étranger un an, et j'étais parti avec le regard des gens, et on peut dire que je l'ai squatté, c'est vraiment, vraiment. J'ai jamais eu l'occasion de le te dire, mais c'est vraiment un bon album, un très très bon album. Maintenant, Kéfir, on va t'écouter rapper, toi. À toi de jouer. Allez, c'est parti, session freestyle. Bah, tu vois, il est fort, Kéfir. Enfin, normalement, à moins qu'il ait régressé, mais... Yeah. Je ne pense pas avoir tort quand je dis que les gens sont bornés. Sous alcool, insulte même celle qui les a bordés. Les pulsions font mentir, l'émotion nous trahit. Notre courage transpire lorsque la peur nous envahit. Que deviennent la bravoure, le respect, la modestie? Où sont passés les beaux discours que l'en même temps investir? J'interprète et retranscris ce monde à ma manière. Me fous de ton origine, ton département, ta bannière. Je viens blesser ton orgueil et sa feuille par feuille. Parce que la vérité fâche et que les gens ne pensent qu'à leur gueule. Prends ce recueil, te rend gêne comme une remise en question. C'est tes pensées malsaines et tes stupides convictions. Alcool, drogue, chemin. Donc manque d'ambition, entraînez-me dans banlieue, et là nous réagissons. Sous ce grand ciel gris, ces maudits tours de béton, fleurit une jeunesse à l'écart de vos pavillons. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne, perdu dans la masque, l'hypocrisie perd fort. Dans ce monde, je suis qu'une personne, yo. J'ai comme une sale impression que je suis constamment pressé. Même si mon but est imprécis, sur mon chemin des murs sont dressés. Quelques potes sont restés, d'autres ont mis les voiles. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'encouragent depuis l'école. Vos paroles restent gravées, tant que chemin à braver. Notre amitié, rien ni personne ne peut l'entraver. D'après mes proches, mes textes tournent autour des mêmes thèmes. J'écris ce que je pense tant que ma vie reste telle qu'elle. Mon seul problème est d'être en accord avec moi-même. Études, rap, sport, dis-moi où tout ça m'amène. Je suis à la recherche de ma propre estime. Avant que la mort fasse une éruption intempestive. L'amour est imperceptible lorsque l'angoisse comble l'esprit. La déchéance est nuisible, le suicide nous séduit. Avis au cœur sensible de se former une carapace, la mienne. Reste écriture, reste papier que je crois. Je reste intègre, sincère. Pour les miens, je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne, perdue dans la masque, l'hypocrisie perd fort. J'en place une pour Frédérico, Tunisan, Hakem. J'en place une aussi pour One Mike, K-E-F-Y-R. Yeah, One Mike, K-E-F-Y-R. Ok, Kéfir, merci à toi, mon pote Kéfir de Saint-Etienne à l'instant. Bravo, Kéfir, gros. On rappelle que t'as toujours toi un projet qui est dans les bacs aussi, hein, Kéfir. Yes, j'ai toujours un projet qui est présent dans les bacs. Voilà. Sinon, vous pouvez me joindre, pour tous ceux qui veulent me suivre, c'est K-E-F-Y-R sur Facebook et sur YouTube. K-E-F-Y-R, Kéfir. Voilà, et j'ai hâte de recevoir l'album de Tunisan. J'ai hâte de l'écouter, marqué à vie. Si vraiment il est du même cru que le regard des gens, Encore plus lourd, frérot. La vérité, il est encore plus lourd. Il est encore plus lourd parce que j'ai pu remarquer dans les deux sons que j'ai écoutés que vraiment, vraiment, les deux sons déjà étaient différents et ta façon de poser était différente et les prods étaient vraiment différentes. Ça n'a plus rien à voir, franchement, la vérité, on a vraiment, ça a bien évolué et tu vas voir, si tu l'écoutes, tu verras que ça n'a rien à voir. J'imagine, parce que les deux sons que j'ai écoutés déjà, c'est vraiment, vraiment lourd. Déjà à l'époque, c'était lourd, alors là, j'imagine la lourdeur. Et ben merci à toi Kéfir en tout cas. Merci à toi, très vite. Et je souhaite bonne chance pour les ventes de l'album de Merci gros. De, merci. De Tunisan. Et ben ah, ça, merci pour le soutien. Ça marche fort en tout cas déjà pour l'album marqué AV en téléchargement légal. Il faut aller dans les bacs aussi le chercher. Ouais, c'est si dans les bacs aussi que le support physique. Ouais. Donc merci à ceux qui soutiennent, hein, merci à ceux qui envoient des messages et aussi le soutien, ça se fait au-delà des messages, ça se fait aussi par rapport à ceux qui viennent dans les bacs et qui supportent vraiment le vrai rap. Donc merci beaucoup hein, pour tous ceux qui m'envoient leurs photos avec leur album, qui sont là, m'envoyer des messages privés sur Twitter, etc. Merci, je vous remercierai jamais assez. Et bah tu veux les remercier en faisant un live maintenant. Et avec du monde, parce qu'ils sont dissipés. Tout à l'heure, je les entends, ça parle dans le studio. Je sais pas ce qui vous arrive tous. Hein. Bah écoute, on le fait tout de suite ou on attend de balancer un morceau d'abord? Bah on le fait et je pense qu'on aura le temps de finir avec le morceau. Ah allez, vas-y, bah écoute. Et, en tout cas, là, big up à Mousse qui envoie des messages depuis tout à l'heure. Donc big up à Luna, je sais ouais. qu'elle écoute. Il a sorti big up à Gunjack aussi. Ouais. Il a sorti voilà. une blague, Mousse, j'ai pas tout à fait compris. Ah, c'est pas très grave, c'est pas grave, c'est un vanneur. C'est ça, c'est un pote à nous, c'est un vanneur. Ok, c'est pour ça. Prêt pour le live, on y va? Ouais, on est bon. Allez, c'est parti maintenant. On va se mettre en place. Session live avec vos hashtags, le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Vous balancez tous les messages. On va présenter du moine. Eh les gars. Eh, y a du monde dans le studio un petit peu ou pas? Vous êtes prêts? Vous deux gars. Vas-y, on va balancer alors. L'ambiance est lourde, fais bouger les têtes. L'ambiance est dispo dans les bacs et sur le net. Marqué à vie. L'ambiance est lourde, mon rap fait bouger les têtes. L'ambiance est dispo dans les bacs et sur le net. Marqué à vie. Depuis le berceau, la bombe est amorcée et c'est tout l'instant. J'ai la vibe, je fais des thunes en chantant. Et sombre maestro, je choque à chaque verse et j'ai la rime sale. 9-5, Dean représentant. Et bienvenue dans la danse, là où l'on te baisse, c'est navrant. Où ils cachent leur innocence derrière quelques mots savants. Dans le rap hexagonal, un chemin à me frayer. Je ne suis qu'un marginal avec un loyer à payer. Oui, les valeurs se font la belle, frérot, tout est sale. S'il faut, je brûle pour être belle, toi t'as jamais mal. Et pour l'euro, tu galopes, tout est négociable. Non, t'es pas une salope, imaginalement très sociable. Jamais renoncer, même si je me fais bouillard. Je suis venu dénoncer sans faire du rap de bouca. Et rien de grave, ils ont grandi, les lions sont paumés et le diable ramasse les morceaux. L'ambiance est lourde, mon rap fait bouger les têtes. L'album est dispo dans les bacs et sur le net. Marqué à vie. Yeah. Change-moi ça, ça y presse. Écoute, ça va faire parler le talent un petit peu, ça vient de Bajot. Ok. Ça c'est Mister Grosso. C'est Grosso. Ok, raconte pas ta vie, tu connais quoi de la rue, hein. Ok. Bajot Star. Ok. Eh, y'a qu'à la rue que j'adhère, poteau. Ok. Nestas. Écoute-moi ça. Bajot Star. Ok. Ok. Armez-moi ça. Yeah. Rebalance après, gros. Ok. On remet le beat, la gueule. Ok. Bagnolet, vous êtes là ou pas? Eh les gars, vous êtes là ou pas là? Vous êtes là ou pas? Attends. Un peu de force pour le frérot. Ok. Piggy Grosso. Ok. 1 mètre carré du dos, t'as essayé de mesure, hein? Ok. À vouloir courir trop vite, ça va te faire les mollets. Trop de mecs perdus finissent par s'immoler. Je vois trop de putes pour 100 euros simulés. Les fils de la rue, je connais, je les assimilés. MC 3 dit trop de crevards. Avec un tournevis, je construirai un bastard. Fils d'un barbu marocain débrouillard. Mettre cette vie devant le zar dans un épais brouillard. Sans mettre sa chatte, Molière est bouillant. Je vous rassure, c'est pas c'est juste un brouillon. Parle-moi pas de rap, c'est la Russie. Chez moi, les putes et les armes sont moins chères qu'en Russie. Le cœur glacé, on s'endurcit. Ok. Écoute ça. C'est Biggie, ça. Ça arrive. Biggie. Tournant le bouc. Chez moi, le partage ne se fait pas sur Facebook. C'est la crise. La réalité te rattrape. Même les stars veulent se mettre à débiter la frappe. C'est chelou, comme le dossier à Flelou. Le jet privé chargé de repu, mes jeans Pérou. Pourtant, pourquoi c'est mort, donc on l'aborde. Chez nous, y'a que l'astuce pour s'en sortir, donc on l'habille. Garde de test, depuis le conflit, dur. C'est le bon vieux pompe qui fait la meilleure confiture. Un jour, un ancien m'a dit, tu sais, petit frère, on ne répond faire que par le faire. C'est clair, y'a pas de love and peace. Ma rue est trop crue pour être un urban peace. C'est la banlieue, c'est pas les bleus, y'a pas de quota. Chez nous, ce qui écoute son petit coup de couteau. Eh, je fais du sale comme Mera ou Ferrara. Rien à foutre des flashs, c'est grosse caisse, c'est faux face. La douane n'est qu'une étape entre l'échec et la gagne. Adepte de Paname et du football champagne. On aime la frappe. Quand elle est jaune et grasse, normal, tu kiffes quand la juge fait tomber tes grâces. Faut qu'on s'engraisse, la vie est courte comme un 100 mètres. La France nous blesse comme Maradona, comment s'en remettre. Comme Dieu donné, on a compris la quenelle. Les faits parlent d'eux-mêmes, même si on n'est pas dans le même domaine. On se démène alors que la messe est vide. Compère, j'en ai vu parler aux oiseaux, ils tremblent un tilt. À l'heure où les MC sont gonflés à la créatine, j'avance seul et petit à petit, je crée ma team. Ma mère m'a dit, fils, tu seras un winner. Pour elle, je briserai la nuque à Teddy Riner. L'union plus forte, c'est les Polandes. Son côté fait son petit biz. Pour t'en sortir, tu me les taffes comme ce viet. Crible les têtes, il te reste la solution des armes soviètes. Pas de mousse, Kiki, tous les frères Rochetard. Yuri présent, le Raldo, Kiki, la légion urbaine. Adim, pas de mousse, c'est la gueule. Ok, là c'est Raldo, gros, ça vient de Bajo. Ok, Raldo, ça fait ta-ta-ta. Cache à vidéo. Khal de la calache, boum. J'ai saigné des narines, j'ai troué des poumons, détaillé de la farine et coupé du pilon. Ça vient de la banlieue S, même les grosses caisses, les grosses fesses, faut du gros fesse. Quitter la thèse, personne nous rabaisse, personne sur la caisse. Dans mon tamas, faut qu'on ramasse, faut que ça passe. T'as ramasse, on va aller à Malte au serment. C'est la guerre, faut s'armer comme la masse. Ça vient de mon putain 9-3, ça pointe dans le froid. Pas de rap de Zoulou ici, c'est pas T3. Les M sous un poids, ils font pas le poids. Hiver, comme été. Y'a de la drogue de qualité, pas de rap de PD, on fait que du neuf, on va pas se répéter. Bâche aux criminels, pour mes petits détailleurs de la mêle. Pétasse qu'on passe sur un porte emmener de sa pêche et Chanel. On fait du sang pour les nôtres et les vôtres, que de la zik et nos ventes. Rap depuis l'enfance de décembre à novembre. On vote pour le bise, on est là pour le bif, v'là la gif. On pute, fais pas la bise, on les baisse, notre son est maladif. Moi j'ai la dalle, faut que je graille, donc je pose mes claouis sur la table. J'arrive en balle, donc on balle. Ton rap crypté comme la 4. J'arrive rabat, rap qui tapasse. On comprendra si tu harbat. C'est pas chose ta street pour les vrais qui t'ont vaincu de la patate. Voilà, tu ralises, sont pas liés que d'être les raïs. Tu payes pas, ça te brutalise. Tu baignes tout ton sang, tu réalises. Dans la rue, fais très glos. Et si on aime pas les deux traits, s'il y avait pas autant de sales à faire, tout le monde serait dans le progrès. Les rageux, frère, ils te suivront toujours de près. Marre des pertes de temps. Donc nous appelle que pour du concret. Beaucoup de personnes, moi j'aurais mieux fait de pas les rencontrer. Queen histoire d'argent, tu vois leur vraie face se montrer. Donc maintenant, moi j'avance seul dans mon trimo. J'lâche que dalle, faut que je taille. Pour ça je débarque à basse rafale de balle. Ça fait ta-ta-ta-rade, j'baisse l'état comme l'état. C'est la vendetta, un coup d'état et disparaître comme Pauletta. Ne te montre pas que mon âge secret. 81 vous te frappe, ton poney, 80 sautrés. J'arrive trop le refait comme si mon rap était de la segré. Eh, c'est Raldo, toi mon gros. Raldo la galère. Gorel MC. Ok, son nom c'est Gorel MC. Tunisiano, marqué à vie, je suis là pour le frère. Banana, vous êtes là ou pas? Skyrock, vous êtes là ou pas? Hey, son nom c'est Gorel MC. Bien ici K Squad. Ouais. Hey, ok. Ah, c'est pas Green qui tient prennent des micros avec des vieilles intros qui ne méritent pas tout trop. Des MC bordéliques, j'en ai vu trop. Je les écrase normal comme sur les rails de métro. Je suis pas en train de quêtra, je suis pas quêtro. Coral MC, entendu dans les échos, je défouraille seul. Je recherche pas d'écho. Comme on dit chez moi, je viens pour tout kéko. Putch, laisse-moi, je connais pas ton gars. S'il vient me voir, j'ai laisse match à la Tsonga. Il va se retrouver comme un mongol. Je vais le faire boiter comme la danse du pangor. Je prends l'heure dans le plan standard. Mon palmarès, c'est purement standard. J'ai des phrases crues. T'en perds ton sternum, fais gaffe à ma plume. C'est un homme, communauté de daron, flot et pousse tout flanc. Je vois des gueules sèches, des MC c'est tout fort. Tu rap pas un rond et sans terrain à couvent. Le meilleur de tes MC, je le bouge en tout plan. Tu parles beaucoup, gueule de tout quand y'a du bif à faire. Tu m'as où et quand. Bagage des régales, cagoulé, je fous mes gants. Bien évidemment que c'est pas pour faire du boucan. J'ai traîné avec des fils de merde, de te traits. C'est pas pour rien que je me suis mise en retrait. Je m'amuserai dans ce game jusqu'à la retraite. Sors-moi mon billet, va me faire un retrait. Un groupe français, dans un pute état, j'élimine ma street. Demande à quel évra le canapé penalty. Chute de passe tes vagues, tu élimines le chétan, vous tes bras. Trop d'obsédés, trop de PD. Que t'as pas de buzz, n'achète pas de CD. Ne vont pas céder à la tentation. Donc chez moi, pas d'échange de bon procédé. Donc je blesse la mer à YouTube pour l'instant. Les réseaux sociaux sur les rues importantes. Travail constant et régulier. Nique la mer à celui qui n'est pas content. Chute dans les dents, sans personne, des producteurs, bricoteurs. J'ai eu besoin de blé, LACK Squad. J'amène le glande et c'est sans doute ton meilleur sera bande. T'es fou, y'a longtemps que je suis prêt. J'suis tout, expression suprême. Ton meilleur MT n'a pas su faire ce que j'ai fait. Normal s'il n'a pas souffert. Je connais qui m'ont jacté. Donc leur bouche n'est pas compactée. Gorel MC, souviens-toi de lui quand tu le critiquais. Aujourd'hui tu veux le contacter. Aujourd'hui tu me prends pour Vla l'acteur. Alors que tu files comme une voie lactée. C'est un mauvais procédé. Si tu tires et que par malheur tu m'as raté. Boum, mets ta tête pour mater mes plans. Je te ferai une face de gland. T'auras un arrière-goût comme une date de limite. Non respectée par un flanc. C'est Gorel MC, ça ma gueule. Pour cacher mes tactiques. Joue pas au con ou tu finiras dans l'Antarctique. Si. Eh, faites du bruit pour le frérot là les gars là, comment ça? V-A-L-D. Ça c'est V-A-L-D ça gros. Marquez un vie. Ouais ouais, VLD, NQNT un jour dans les bacs. Marquez un vie déjà dans les bacs. T'as dit quoi? Pull up. Rebalance la prod, ça y presse gros au début. Rebalance nous ça là. Okay. Ça y presse gros. All news sous. Vas-y Nick. Remets du début gros. Ok. Ok, donc on a dit VLD. Sullivan. Hinch. Nasdal. Succomblaz. Ok, c'est Skellington, nouveau flingueur de 16 bars. Mister Giacoma et Kayas, le désingueur de Fespal. Slacker incontesté, façon branleur conteste pas. J'ai des soucis, des broutilles et des tankards qu'intercale. Vert pâle, je suis laminé, laminaire et presque qualité. Je suis fatigué de m'agiter entre panique et fiscalité. Marqué par toutes ces heures enfoncées dans mon canapé. Harassé, je suis fascinant, façonné, façon arraché. Ça me chagrine, mais je vous emmerde tous à part les fous. Je suis rebelle, mais je m'en bats les couilles. Fais ta vie, mais prends pas mes sous. Disons-le, ça résout beaucoup de choses de finir dans le sang. J'ai plus envie de gaulerie, Lisa Anne fait des gong-bang. Tes conseils dans le vent, la pureté noyée dans le chanvre. M'attraquer des têtes et peut-être que je pèterai des schnecks dans le champ. J'urai des têtes, rédemption, moi des faits indéterminés. Pour me faire flipper, allume avant que le journal soit terminé. Ça fait, les gens se la pètent pour mieux récupérer. Ça trouve du charme à la misère, se lamenter ça fait plus rêver. Ça c'est mes flots sous scellés, c'est d'art le rap édulcoré. Comme enculé, des culs serrés, hein. C'est QFD. J'bouffe des Holden Passo devant la saga So. Les Hellraiser correspondent à 3 semaines façon Talasso. J'ai pas réseau. Et ça me fait rien vu que j'ai pas d'amis. J't'ai maudit toute la nuit, mais sourirai quand on sera la bise. Ouais, j'dis pas ce que j'pense, mais pense à chaque fois ce que j'dis. Tous ces faces de speed et traces de string pendant les classes de ski. Les faces que j'kick sont ma stabilité. Aléa, j'évite et c'est classique. Demain c'est loin face à 5 lattes de spliff. Assassin de rap, j'fais aussi les rituels voodoo. Je perce les yeux des poupées bourges qui se mettent à jouer les zoulous. Des fantômes se mettent à débouler, me chantent que le temps s'est écoulé. J'vais bientôt disparaître si je garde mon clavier verrouillé. Putain, j'suis pas bien, j'vais me remettre au stel. Je perds des potes qui comme ta chasteté sont pas des grosses pertes. Les mecs faudrait faire chose qu'elle. Ma mère m'engueule en gospel. Les rappeurs tapent des pauses. Game Michael Myers sur mes posters, hein. The Fab Broly qui est synchronisé. La fusion de groupes Broly métropolisé avec Freezer alcoolisé. Je prolifère même proliqué. Les Vice font que de reluquer. La Palestine c'est chiant. C'est mieux les PD qui se font reluquer. C'est VALD. C'est VALD. NQNT. C'est VALD. Ok, ça y presse. Change-moi la prod. Moi aussi j'ai envie de kicker un petit peu là. Ok. Marqué à vie. Ouais, gros, je suis marqué à vie. Si, si. Je suis marqué à vie. Frérot, nouvelle cuvée, je suis venu les tordre sur la faute, ça va. Même mouillé, il pleut des cordes, la foule crie, ça va. Je viens dérouiller mes trucs de record, Tony San Baba. Jamais miaulé, un prendre à mort, c'est mieux pour toi, bâtard. Pas la vie de Qatar, vie en Paris, un être à part qui est venu prendre sa part. Et tu reconnais la rime, ils sont unanimes, c'est vrai sur la qualité du produit. Ces petits bouffons plein de toute pression ne font pas du son, mais ils font du bruit. Ils font des notes, on a besoin de petites pioches quand les grands viennent causer dans la rue. Les salopes sont pas forcément du sexe opposé. Mon pote, y'a tous les styles, ceux qui se comportent comme des petites dames. Y'a les Henry Hill, les Franck Lopez, les Jesse Pinkman. Y'a les bouffons, les hommes, les fous, les pompons. Oui, on s'entend pas, tu vas te faire ham ham. Suffit juste d'un tam tam, d'un gros camas fumant. Rimes et arguments pour faire bouger les fessiers opulents. T'enchaînes pilon sur pilon, normal tu t'en bats les couilles. Oui, ton silence en dit long, à croire que tu parles à des genoux de combine. Et petite magouille pour les sous, on s'est fait seul tous les petits. Sont merboules, risquent leur vie sur un star coup. Et courent après l'oseille ray ou après un nichon. L'amour donne des ailes, tu t'es changé en pigeon. Et je dis jonc frère, M6 sont pareils. Pas là pour niquer des merdes, mais la tienne c'est pas pareil. Tu marques la vie. L'album il est toujours disponible, il est dans les bacs depuis lundi. Foncez vous le procurer, je peux vous assurer qu'il est plus que lourd. Et la tienne c'est pas pareil. Et la tienne c'est pas pareil, c'est pas comme pareil, on pareil, poteau. Donc voilà, hey, un peu de vrai rap français, ça fait du bien. Guy, grosse dédicace à tous les refrains au chemin. Mousse, Adoum. C'était la session freestyle dans l'émission. Frère Nabil Tapin, Fleury, tous les refrains au chemin. Guy, Marc Avi, lourd, Adoum Mousse. On est là, Ouki Chicha. Donc voilà, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut pas en placer une en fait. Non, mais c'est bon là, ça y est. Ça y est, c'est bon. Les dédicaces sont passées, gros. Marc Avi, Mac John. Petite dernière pour la route. Bah oui, petite dernière pour la route quand même. Gros, ils ont faim. C'est normal. Nestanzi, retiens ce place. Retiens ce blast, voilà. Pour Nestanzi, Haldo, Gorel MC, VALD, Guy, le live de Tunisiano. On n'a pas le temps de passer le morceau, on le mettra demain. Bah, c'est pas de problème. Mais on a eu un beau live, demain. Donc on peut pas tout avoir non ouais, plus. Ouais, bah non, il fallait qu'on rappe. On avait des choses à dire. Les gars avaient la dalle. Donc voilà, en tout cas, juste pour l'info, le 20 mars à la Boule Noire, l'album il est dispo depuis lundi. Laissez-nous vos messages. Merci en tout cas pour tous ceux qui nous soutiennent et qui supportent. En tout cas, on lit tous vos messages. Sachez que je lis tous les messages un par un, que ce soit sur mon Twitter ou même sur mon Facebook. Et puis voilà, merci de donner de la force. Merci aux frérots qui sont venus ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir partagé le moment avec eux. Et puis demain on continue à vous faire découvrir l'album. Demain il y a des belles surprises aussi. Donc voilà quoi. Et ben, bah, loupez pas le rendez-vous demain entre 20 et 21 avant, et juste avant de se quitter on fait tourner la roulette. C'est parti. C'est parti vous. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. Avec Marine de Cagnes-sur-Mer. Ça va bien Marine? Salut, oui ça va bien et vous? Je te présente Tunisiana. Ça va Marine? Oui ça va et toi? Eh bah ouais ça va. Est-ce que tu as l'album marqué à vie Marine? Dis donc. Non je l'ai pas encore. Encore possible. Mais bon. Comment ça se fait? Il va arriver. Ah bah si vous me l'offrez, peut-être que je l'aurai plus vite. Alors et Marine, bien tenté, bien négocié. Tu vas voir ça avec Fab, je te le repasse après. Tu es prête à faire tourner la roulette? Oui, bien sûr. T'es prêt à crier? Allez, on y va. Dès que tu vas, tu dis stop, c'est parti, ça tourne, ça roule. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Marine, un paquet chips Lidl, un scooter offert par Tunisiano. Putain, ça va te coûter cher la semaine. Hier 500 euros t'as filé. Trop généreux, Fredo. Et hier t'as filé 500 euros, je te rappelle, sur les bons conseils de Lino. Ah, ils sont trop lourds à Sky, gros. Ce soir, un scooter. Marine, écoute, nous c'est fait avec le cœur. Avec le cœur, on te file deux places pour aller voir Stromae en concert. Ah, ma merci, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et pour le scooter, tu verras avec Tunisiano. T'avais un petit message à passer, une dédicace, un truc à dire? Oui, une dédicace à toute la famille, à Cagnes-sur-Mer, un gros bisou à tout le monde, voilà, tous ceux que je connais qui m'écoutent, et bien sûr à Tunisiano. Merci bon beaucoup. Pour son album. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et ben on te fait un bisou, Marine. Merci, nous aussi. Bah, moi aussi. Bisous, ciao Marine. Et puis surtout, attends, juste au passage, ouais. Y a Panam qui joue ce soir. Hein. C'est vrai, faut pas l'oublier. Momo. Donc, ça, 5 minutes 0-0, on me dit dans l'oreillette. 0-0. Bon, ok, d'accord. Pour l'instant, cool. Paris face à Leverkusen, mais a priori, bon. Ouais, ça joue au parc. Il y a eu un petit 4-0 à l'aller, donc au retour. Voilà. On va aller marquer à vie les Verkusen un petit peu. Alors toi. Ah, Fab qui n'est pas du tout un supporter du PSG me dit c'est une séance d'entraînement ouverte au public. Ouais, parce que ouais, c'est cool. Un pas haut. Un peu de modestie avec nos amis allemands. Mais non, gros, c'est ça. Merci à Tunisiano. En tout cas, merci pour cette belle soirée. Cool, mec. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Val, on attend le projet. Merci à vous tous. Mortel. Et demain, on revient un petit peu avant 20h pour la suite de ce Planète Rap consacré à Marc et Avi, l'album de Tunisiano. Et but des Allemands. 1-0, 1-0, on me dit. Pour les Allemands? Oui, pour les Allemands. Tu vois, Fab. Entraînement, les gars. Ah, génial. Ah, mais votre gardien, il s'entraîne pas ce soir ou quoi? Ils sont contents, apparemment. Ça y est, Samy, on t'entend, tu revis. Samy, il va passer une soirée où il va rigoler ce soir. Tu revis d'un seul coup, là. Ah, génial. Ah, les joueurs du PSG, c'est des plombs, les gars. Oh, les plombs de Parisiens. Ils en ont pris un. Calme-toi, les gars. Tu veux qu'on parle de l'OM, peut-être? Non, c'est bon, gros, c'est bon. Vous êtes où en Champions League? Je suis plus là. Je suis parti. 1-0, on entend les supporters du PSG désespérés derrière, mais rassurez-vous, Tunisiano sera là demain pour vous remonter le moral. Exactement. C'est pas fini, attends. Ça vient juste de démarrer. Plus que 4, gros, c'est bon. Surtout que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on va voir. Exactement. Classique. Oui, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses également. Très belle expression. Eh oui. Bon, on suivra le match tout au long de la soirée sur Skyrock. On aura nos Sky Reporters en direct du Parc des Princes. Demain, ce sera le tour de Lyon. Et puis vendredi, les Marseillais pourraient rigoler aussi tous les autres. Nous, c'est contre Reims. Si vous n'aimez pas Marseille, je suis Marseille Reims. Demain, l'équipe. À demain, Tunisiano. À demain, bisous. Demain, on est de retour avec vous. Juste avant 20h, ça démarre. C'est Planète Rap avec Fred et Tunisiano toute la semaine. L'album est déjà sorti, hein. Et il est à découvrir avec des freestyles inédits et tout le reste. C'est un peu la folie, là. Ouais. C'est Momo qui part sous les applaudissements. Je peux vous dire, il fait une gueule, Momo. On va le recevoir là. Je suis le resta. C'est ça. Les gens me kiffent. Mais Momo, ça va, il en reste 3 à mettre, tranquille. T'inquiète pas. Dans le studio, j'arrive. A tout de suite, Momo. C'était le commentaire de Momo, très important. En mode 100% footix. T'inquiète pas, je suis pas inquiet. Bisous, Biggie. Très belle déclaration. Très belle déclaration qui vaut son pesant d'or. Exactement, mon Fredo. Merci, de rien. Bon, Fred, demain, on te retrouve pour Planète Rap. Juste c'est après ça. Nous, dans le morning, tu arrives à 9h10 demain matin. Je serai là. Si tout va bien. J'espère, oui. Et puis là, c'est parti. Jusqu'à minuit, on arrive dans une minute sur Skyrock avec, pour démarrer, Pharrell et Happy. Et vous tous, et vous toutes en direct de toute la France, vous pouvez nous appeler, vous pouvez réagir à tout ce que vous voulez, au match de foot, tout le reste aussi. Ouais. On est là, c'est parti. Radio Libre sur Skyrock. Ciao, Fredo. Ciao. Ça ne part pas. Ah, il n'y a pas de pub. Ah, ça ne part plus. Bah, tu peux les faire à la bouche. Ouais. T'es super drôle, dis donc. Bah ouais, tout comme toujours. Tu sais, j'ai un humour décapant. Bah, t'es super marrant. Bon, je pense qu'on va passer une super soirée, là. Bon, la pub. C'est bien parti. En super speed. Là, je l'ai retrouvé. Ça dure une minute. Même pas. Et on revient avec Pharrell Williams, c'est Happy et la Radio Libre. Une seule radio.